Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Heureux de vous retrouver pour un bulletin de sport local et régional. Ben, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que Jean-Marc Richard va être le 10e joueur de l'histoire des Saguenayens le 3 janvier prochain à voir son chandail retiré. Celui qui a porté les couleurs des Saguenayens de 1983 à 1987 a amassé 301 points en carrière. On devrait lui parler aujourd'hui dans la section entrevue de danradiosport.com. Charles Tremblay de Saint-Félicien a marqué 2 buts et son équipe cependant a perdu 3-2 contre une formation du centre du Canada. C'est une équipe de l'Ontario. Évidemment, ce match servait comme première étape pour Charles Tremblay pour s'aligner pour les Mondiaux Junior A du 7 au 15 décembre en Colombie-Britannique. Charles Tremblay qui a été nommé également joueur de la semaine dans la Ligue de hockey Junior 3A. Au cours de la dernière semaine, Tremblay a très très bien fait. Il a amassé quand même une récolte de 6 points dans un match entre la semaine passée pour l'équipe du Collège français de Longueuil. On va parler maintenant du gala Autocar Genois qui a eu lieu récemment, ça a eu lieu en fin de semaine et au cours de cette fin de semaine, on a servi, évidemment, on a honoré les honneurs individuels de la Coupe Autocar. Donc Claude Gilbert du Club du Mille a été sélectionné le meilleur coureur dans sa catégorie. Au cours également de cette soirée, les organisateurs ont salué la 10e année de participation au classement général pour Sylvie Lavoie de Saint-Augustin. Maintenant, en fin de semaine, il y avait un tournoi de hockey intermédiaire à Dolbeau-Mistassini, à l'aréna de Dolbeau-Mistassini. On va vous donner les grands gagnants. D'abord, en grande finale, les Slates ont défait Girardville. En classe B, Wolfpack ont défait les Chasseurs 5-2. Et victoire en classe participation des Spartans 4-1 contre l'Autobus Robin. Le responsable, Pierre-Luc Ménard, était quand même content de l'événement. Oui, un super de beau tournoi. On est content. 14 équipes. Les équipes, les joueurs étaient bien satisfaits de notre organisation. Puis de notre côté, là, tout a bien roulé. Puis on n'a pas eu de problématiques majeures. Et qu'on est prêt pour le prochain. OK. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.